Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit là, tout de suite, avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. C'est le pays que le Christ a foulé et c'est un pays dépouillé. Il y a les coupoles dorées, il y a les icônes, il y a sans doute les cultes et les pèlerinages qui y sont liés. Cette semaine, la Russie. On a toute cette atmosphère de sainteté, de sacrifice. Pèlerins, martyrs et idéologue. La Russie prétend ou croit avoir certaines clés du salut du monde. La religion. On chante la Vierge, il n'y a rien de vilain dans tout cela. Et la politique. Vladimir Vladimirovich Poutine. Ce mec-là, c'est pas n'importe quel premier ministre, c'est pas n'importe quel personnage. Deux Roms sont tombées, Moscou, la troisième Rome, est debout et il n'y en aura pas de quatrième. L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance, d'une ignorance des peuples. Abyssal. Donc c'est nous et après nous le chaos. En l'espace d'une génération, un pays athée est devenu sans difficulté un pays religieux. Après avoir montré comment Vladimir Poutine s'est hissé au pouvoir, puis comment il a réussi à l'organiser et à le conserver, je me devais de clore cette trilogie par la pierre angulaire de ce destin hors du commun, une ambition mondiale qui fascine et inquiète à la fois son propre peuple. Bien qu'encore inexpliqué, l'assassinat de Boris Nemtsov, que j'avais longuement interviewé pour mon précédent film, montre bien les tensions internes qui règnent entre pro- et anti-Poutine. Mais l'urgence de faire ce nouveau film est principalement liée au constat de la volonté de Poutine de créer un nouvel espace d'influence avec son concept d'Eurasie. Voici quelques lignes extraites du dossier signé Jean-Michel Carré, auteur du prochain documentaire d'Histoire vivante, à voir dimanche soir sur RTS2. Il est aujourd'hui notre invité. Jean-Michel Carré, si vous le voulez bien, on va commencer par un quiz que je vous lance comme ça, de prime abord, sans vous y avoir préparé, sans m'y être préparé non plus d'ailleurs. C'est dire que je me tends peut-être à moi-même un piège. Combien de films de documentaires avez-vous donc réalisé sur le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir combien de films sur la Russie? En fait, il y a, on peut dire 5. Il y en a qui sont un peu parallèles ou périphériques. Bon, j'avais commencé par le Koursk, sur cette histoire de sous-marin avec plein de morts, et je devais faire normalement Poutine. J'avais décidé, parce que le hasard m'avait amené à en Russie en 99 pour faire un film de fiction à partir d'un scénario de Pavel Longin qui avait une palme d'or et tout ça, et j'étais au moment où en effet Poutine changeait de chef du FSB, l'ex-KGB, à premier ministre, et c'était le sixième premier ministre de Helsinki. Tout le monde s'en fichait, personne ne le connaissait. Et moi, 3 semaines après mon arrivée en septembre, je vois ce personnage lancer la guerre de Tchétchénie. D'une violence extraordinaire, qui fera 200 000 morts sur 1 million d'habitants, et tout ça pour arriver au pouvoir. Et là, je me suis dit, ce mec-là, c'est pas n'importe quel premier ministre, c'est pas n'importe quel personnage. Et donc, j'ai appelé France 2 en disant, je pense que là, il y a un personnage vraiment intéressant. Ils m'ont dit, oui, mais enfin, il est premier ministre, il n'est pas élu, machin. Puis le 31 décembre, Helsinki fait sa déclaration au peuple, annonce que il aimerait bien que ça soit lui, c'est une sorte de dauphin, il propose au pays. Et Poutine, lui-même en tant que Premier ministre, avance la date qui était dans 6 mois des élections, il l'avance 3 mois en avant. Donc c'est très étonnant, quelqu'un qui n'était pas connu. Et puis d'un seul coup, je le vois, comme j'étais sur ce tournage de long métrage, j'étais là pour 1 an à peu près en Russie, et je vois comment ce personnage, pas du tout charismatique, commence à jouer avec la télévision, c'est parler. Je vois dans les radios, les femmes écrivent en disant « Je suis amoureuse de Vladimir Poutine » et tout ça. Et de fait, il est élu nouveau président de Russie. 3 mois plus tard, arrive l'histoire du cours, ce sous-marin. Tout le monde a parlé à l'époque. Et comme j'étais sur place, je rencontre des militaires et tout ça. Et je vois la version officielle et les mecs me disent « Mais c'est bidon tout ça ». Il y a d'autres choses, c'est pas possible, voilà, pour plein, j'ai plein déjà d'éléments, et je me dis, bon, je vais commencer à investiguer. Mais, pensant faire un film sur Poutine. Et puis, en fait, l'investigation est tellement incroyable, donc, pendant 2 ans, je vais travailler sur le cours, tout en regardant et analysant et en suivant Poutine. Donc, c'était vraiment le premier film. Et là, j'ai vu avec cette histoire, déjà, qu'il a réussi, alors, ce que je montre, c'est qu'il y a une sorte d'acte de guerre qui a eu lieu sous l'eau, entre Américains et Russes, et que ça pouvait déclencher une guerre, enfin que c'était extrêmement grave. Comme rien n'est prévu, c'est hors loi totale sous l'eau, autant un avion avec des bombes atomiques, tout de suite il est obligé de prévenir n'importe quel pays pour pas qu'il y ait un déclenchement d'une guerre nucléaire, sous l'eau, personne n'a besoin de prévenir. Alors qu'il y a des tas de missiles nucléaires et tout ça, notamment ce cours qui était un monstre total. Et du coup, voilà, j'ai fait le cours, et après, j'ai dit, bon, maintenant, je fais le Poutine, et je veux comprendre ce personnage. Et donc, il y a eu le système Poutine, j'ai suivi, et entre-temps, j'ai fait aussi un film sur l'Ukraine, pour essayer de comprendre. Donc, du coup, il y a, maintenant, c'est le cinquième film sur la Russie. Donc, je commence à bien connaître le personnage. Le 9 mai 2015, se déroule à Moscou la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays rend hommage à ses 27 millions d'hommes et de femmes soviétiques et à la bravoure de l'armée rouge dont le sacrifice a permis de vaincre l'Allemagne nazie. Poutine a invité les dirigeants occidentaux à honorer la mémoire du peuple qui a payé le plus lourd tribut à cette guerre. Humiliation suprême, pas un seul chef d'État de l'Ouest n'a fait le déplacement. C'en est trop pour Vladimir Poutine, qui, dans son discours solennel, va délaisser la rhétorique diplomatique habituelle. Chers citoyens de Russie, chers vétérans, les batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu en URSS. L'Organisation des Nations Unies a été créée et le système du droit international moderne a émergé. Mais ces 10 dernières années, les principes de base d'une coopération internationale en sont venus à être ignorés. Nous avons vu des tentatives visant à établir un monde unipolaire. Le bloc de la force brute gagne du terrain. Tout cela porte atteinte à un développement mondial viable. Notre priorité doit être de reconstruire un système qui garantisse la paix entre les États. Gloire au peuple victorieux. Bonne fête à tous. En souvenir du jour de la grande victoire. Ce discours est prononcé en présence des présidents chinois et indiens, qui représentent, avec la Russie, près du tiers de la population mondiale et de sa richesse. Les alliés de demain, contre ceux que Poutine appelle les tenants de la force brute. Les 70 ans de la fin de la Grande Guerre patriotique, comme l'a nommé Staline, sont fêtés par le peuple lui-même qui converge ce 9 mai de toute la Russie. Pour la première fois, accompagné d'un cortège de 250 000 personnes, Poutine prend la tête du régiment immortel. La force de cette initiative, c'est qu'elle ne vient ni du pouvoir, ni de l'administration de l'État. Elle est dans le cœur de notre peuple. Elle prouve notre respect pour cette génération qui a défendu le pays. Elle montre que nous allons continuer à porter haut leurs valeurs. Mais elle parle aussi de notre confiance en nous-mêmes, en nos forces, et dans le bonheur de nos enfants. Dans ses mains, un portrait de son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, qui fut l'un de ces millions de soviétiques qui combattirent pendant la Seconde Guerre mondiale. L'absence des Occidentaux en ce jour historique est donc autant une insulte à son égard qu'à celui du peuple russe. Alors avec ce nouvel opus intitulé « Poutine, le nouvel empire », quel chapitre ouvrir ? Pour moi qui l'ai vu, je le sais un peu, mais est-ce que vous pourriez peut-être, Jean-Michel Carré, nous donner à imaginer ce que nous allons découvrir dimanche soir sur RTS2 et qui, d'une certaine manière, est parfaitement résumé dans la scène d'ouverture, qui est une scène d'ouverture quasiment d'opéra. Vous bénéficiez de moyens absolument hollywoodiens, colossaux. Enfin, hollywoodien, le terme ne va pas très bien, pardon, vous le changerez. Des moyens à la Mosfilm de la grande époque. Et au travers de cette scène d'ouverture, quel est le sujet que vous avez eu envie de traiter ? En fait, pour moi, il était très symbolique. Cette commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était étonnant parce que, d'un seul coup, alors que Poutine était venu l'année précédente en Normandie avec tous les alliés pour commémorer le débarquement, d'un seul coup, là, aucun dirigeant étranger ne vient. Donc je me dis, là, il y a une scène. D'une part, il y a l'armée, il y a Poutine en présence, il y a le peuple extrêmement présent. Donc je me dis, là, il y a une scène extrêmement symbolique et surtout, il y a la Chine et l'Inde. Et avec les trois, avec la Russie, c'est quand même un tiers de la population mondiale et un tiers de la richesse. Alors, il faut préciser, parce que là, nous sommes en train de parler de quelque chose que vous avez filmé et que moi j'ai regardé, mais les gens ne l'ont pas encore vu. On est sur une gigantesque place, la place Rouge, qui plus est, noyée, remplie, mais pas dans le désordre, dans un ordre extrêmement mesuré et géométrique, de défilés, de populations qui acclament, défilés militaires, tout ça dans un pas cadencé, remarquablement chorégraphié. On est dans une scène qui raconte, qui illustre en quelque sorte, le titre de votre documentaire, Le Nouvel Empire. C'est vrai qu'il était important, là, à ce moment-là, parce que moi, j'avais pas prévu de faire à nouveau un film sur Poutine aussi vite. Parce que je finissais à Sotchi, et à ce moment-là, il y avait déjà des remous sur Maïdan, en Ukraine. Mais on savait pas comment ça allait se transformer. La dernière fois, bon, ça, il y avait changement de gouvernement, mais il y avait pas une mort. Là, d'un seul coup, tout change. Et là, Poutine, en fait, d'un seul coup, il se retrouve à aller en dehors de Russie. Il l'avait fait un peu en Géorgie, mais c'était pas lui qui avait commencé, c'était Saakashvili. Et là, il est obligé de réagir. Et c'est vrai que, comme le Kursk, il voulait montrer une grande manœuvre navale. Là, c'est la plus grande démonstration militaire depuis la fin de l'URSS. Il met les moyens, c'est extrêmement beau, c'est superbement... Voilà, c'est... Tout est là pour représenter avec de l'histoire, et on voit, c'est ça qui me semblait intéressant, c'est que je me suis dit, en même temps, le rapport à l'histoire et le rapport au futur. Qu'est-ce qui va se passer avec cette Russie? Qu'est-ce que c'est cette liaison entre la Chine et l'Inde? Qu'est-ce que c'est ces Occidentaux qui lui ont fait la honte, quelque part, de pas venir, alors que la Russie a laissé quand même 27 millions de morts dans cette guerre? Je me suis dit, c'est l'image la plus symbolique par laquelle commençait ce film où tout est présent. On pourrait dire, si vous en êtes d'accord, Jean-Michel Carré, que votre documentaire assez long dans sa durée, il est autour des 90 minutes, se présente en deux parties. Une première partie qui pourrait emprunter le titre d'Alberto Moravia ou de Jean-Luc Godard, comme on veut, le mépris. Et puis la deuxième partie qui serait... une nouvelle conception des relations internationales, ou cap à l'Est, ou la ruée vers l'Est, si on veut. Voilà, le mépris et la ruée vers l'Est vont être, au fond, les deux grands chapitres de ce récit-là. On ouvre déjà peut-être avec le premier chapitre. Je me suis rendu compte que nos regards sont biaisés, et il suffit de décaler le regard. C'est pas très original ce que je dis, ça relève du truisme absolu, mais néanmoins, ce changement de point de vue nous permet de percevoir du côté russe, ce qui a bien pu être éprouvé. Alors ce chapitre premier, disons, du mépris, de quoi est-il constitué? En fait, je me suis très vite aperçu, d'une part par rapport à cette première scène, pourquoi, bon, il y avait cette commémoration, mais l'histoire a été mise quand même très en avant, avec un Poutine aussi qui défile à pied avec 250 000 Russes dans les rues, pour ce qu'ils appellent le régiment immortel, avec chacun une photo de son père ou de son grand-père qui est mort pendant cette guerre. Et donc je me dis, là, l'histoire, elle est essentielle pour comprendre. Et en même temps, de casser cette volonté de remettre à plat un peu l'histoire. C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, on subit, quelque part, une propagande extraordinaire du côté de, disons, américain ou de l'Ouest ou de l'Occident. Et du coup, notre regard est complètement biaisé et qu'on ne connaît rien de la Russie et de ce qu'ils ont vécu. Pardon, mais je couperais presque votre propos. Plutôt que de propagande, au fond, nous sommes à l'intérieur d'un point de vue et nous sommes cultivés par ce point de vue-là. Oui, on l'appelle propagande quand on se retire, parce qu'il y a une autre en face aussi qui essaye de remettre. Et en général, on parle de la propagande russe. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot propagande. Mais c'est vrai que c'est une question de point de vue. Et en effet, comme disait GB dans le 01, il suffit de faire un pas de côté et puis on regarde le monde différemment. Et c'est vrai que pour moi, il était essentiel de faire ce pas de côté, surtout que je pouvais me le permettre après les films que j'avais fait sur Poutine, où là, c'était Poutine dans sa politique intérieure, donc extrêmement dure, extrêmement violente, très répressive, très presque dictatoriale. Et d'un seul coup, là, c'est un personnage qui va relever complètement la Russie, qui prend... des engagements qui a des engagements militaires, des engagements diplomatiques, qui en même temps, on se dit, on est dans le doute, on se dit, mais c'est vrai qu'il agit, il fait des choses. Mais on ne peut le comprendre que si on revient sur ou le mépris ou l'humiliation, en effet, que tous ces Russes ont vécu. Et c'est vrai, pour nous, malgré tout, c'est les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce au débarquement. Et on oublie les 27 millions de morts. Et que s'il n'y avait pas eu ce front de l'Est, le débarquement n'aurait pas marché parce que la plupart des grands commandants de chars étaient sur le front de l'Est. Et donc, c'était absolument essentiel. Et c'est vrai que c'est, pour moi, là, les Russes ont vécu une sorte de mépris d'être mis comme un pays qui n'avait... il y a eu des morts, d'accord, mais c'est les Américains, grâce aux Américains, que l'Europe a été libérée. Et je pense qu'il faut remettre un peu les choses à plat et dire, regardez ce qu'ils ont fait, regardez la souffrance, regardez ce qui s'est passé après, comment ils ont continué à exister. Vous savez, actuellement, on essaye de réécrire l'histoire en disant que ce sont les États-Unis qui ont gagné. Mais en réalité, la guerre a été gagnée par nous, par la Russie, par l'Union soviétique. D'autant qu'il faut additionner à ce cocktail, au-delà de l'indifférence ou du mépris lié à la souffrance des 27 millions de morts russes, soviétiques plus exactement, la chute de la Russie, la chute de l'Empire communiste, qui est d'une certaine manière une seconde étape dans le domaine de la déchéance. C'est ça qui va sembler étonnant par rapport à l'histoire, c'est qu'en effet, il y a 45, mais tout de suite après, voilà, bon, il y a cette guerre froide, très violente, où il y a les deux blocs, et puis ça va finir, en effet, sur le mur, sur l'éclatement du RSS. Ça se termine aussi, enfin, il y a des étapes différentes, c'est l'OTAN qui décide la guerre du Kosovo, les Russes n'ont rien à dire, enfin, je veux dire, c'est... On méprise complètement ce peuple russe. Et en plus, dans les années 90, à l'arrivée de Gorbatchev et Yeltsin, c'est les Américains qui arrivent, les financiers, qui disent « Mais là, vous êtes un pauvre petit pays, tout ça, on va vous aider. » Et puis, en fait, ils se font complètement laminer par l'économie capitaliste. Ils s'engagent avec des oligarques russes qui pillent complètement la Russie. Et c'est vrai que ça devient, on le dit dans le film. Les Russes ont perdu quelque chose comme 40% du pouvoir d'achat. 40%. Vous voyez ce qui se passe dans un pays d'Europe, si par hasard il y a moins 0,5, des choses comme ça. Donc c'est un choc gigantesque. On ne se rend pas compte de la pauvreté d'un seul coup qu'il y a eu. Ce qui a fait d'ailleurs que pour les Russes, où il y a eu peut-être 2-3 ans de démocratie, quand on parle de démocratie, c'est le crash financier, c'est la perte complète de la force de la Russie au niveau économique. Déjà, elle était au niveau moral, au niveau de sa fierté de nation. Ça a été, ils veulent pas entendre parler de démocratie. C'est très difficile de parler de démocratie avec eux. Quelque part, ils savent pas ce que c'est, ou ils ne voient que les côtés négatifs. Donc c'est un enchaînement qui s'est poursuivi, et que malgré l'arrivée de Poutine, où on peut dire en même temps, c'était peut-être la seule solution à ce moment-là, parce que à la fin d'Eltsine, le pays c'était la mafia, c'était les oligarques, et il y avait peut-être qu'un type qui venait du KGB pour avoir la force de reprendre en main ce pays. C'est vrai que c'était très dur, très violent. La presse est terminée. Il y a des journalistes et des avocats qui sont massacrés. Enfin, pour l'opposition, c'est extrêmement dur. Et puis, ça va continuer. C'est-à-dire, alors que Poutine dit, mais moi, je veux bien de l'Europe, on est européen, je suis prêt à rentrer dans l'OTAN. Mais enfin, je veux dire, il va très loin. Le mépris total de l'Occident. Et il va avoir en plus différentes révolutions de couleurs où on sait que les Américains sont derrière. Donc cette accumulation sans arrêt, je veux dire, par rapport à quelqu'un comme Poutine, qui a une mission qui a été formée par le soviétisme, qui est du KGB, qui croit en son pays, quelque part, même si c'est un être très dur, très violent, il a une vraie pensée par rapport à sa nation. Si à la place de mépris, on mettait pour le camp de l'Occident la méfiance, est-ce qu'il n'y a pas avant toute chose une forme de regard en direction de la Russie qui est basée sur la méfiance? Au fond, comme si, contrairement à ce qui a été dit, notamment par George Bush père, c'est la fin de la guerre froide. Non, la guerre froide n'est pas terminée. La Russie est encore et toujours aujourd'hui regardée par l'Occident comme étant l'ennemi. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que depuis la révolution de 17, pour ainsi dire, c'est le camp soviétique. On a vu le macartisme aux États-Unis, la violence qu'il y avait. Et pour eux, c'est toujours un pays communiste. C'est le couteau entre les dents, c'est l'horreur, c'est tout l'inverse de soi-disant ce que c'est la démocratie formidable aux États-Unis. C'est étonnant comment tout est bloqué au niveau de la pensée. Et là, en effet, il y a eu un travail. Alors ça, c'est la chance de Poutine. Quelque part, bon, il a fabriqué, mais c'est sa durée de pouvoir aussi. Parce que on voit, si on regarde depuis 15 ans, tous ceux qui sont passés, je veux dire, Clinton, Bush, Bush père, Bush fils, enfin, tous ils sont passés et Poutine est toujours là. Et donc, il peut avoir une vision, quelque part, de sa stratégie, de ce que doit être son pays, et de lui redonner. C'est vrai que dans sa tête, lui qui a vécu toute sa jeunesse, par rapport à la guerre froide, c'était quand même un moment donné où les deux blocs dirigeaient le monde. Je veux dire, ils étaient d'une sorte d'égalité, comme ça, de force. Alors, au niveau de la vie, en effet, c'était très différent entre les deux. N'empêche que cette fierté qu'avait le peuple, c'est pour ça qu'il y a même cette nostalgie du stalinisme qui nous paraît, nous, assez étrange, assez horrible. Mais Poutine a su, c'est toute sa force, c'est avoir su jouer en même temps sur le tsarisme, c'est-à-dire cette puissance de l'État, sur le côté stalinien, communiste, je veux dire, cette malgré tout, il y a eu une passion, et puis aussi sur l'orthodoxie. Ça, c'est un point aussi très important, c'est-à-dire il est revenu à la base vraiment de ce qui fait le peuple russe, et on le voit dans le film, certaines personnes disent de toute façon, le peuple russe est orthodoxe, un point, c'est tout. Pour les Russes, réfuter la religion orthodoxe reviendrait à se nier soi-même, à nier ses propres traditions et sa propre culture. Pour pouvoir s'appuyer sur le peuple, il faut professer l'orthodoxie, car le peuple russe est orthodoxe. Et l'orthodoxie, c'est la base de l'État russe. Avec Poutine, le Nouvel Empire, le documentaire de Jean-Michel Carré, que vous pourrez voir dimanche soir sur RTS2, il nous est donné à comprendre cet immense pays continent qu'est la Russie, notamment sur ses nouvelles stratégies dans le domaine de la géopolitique, avec ce cap vers l'Est, comme on le disait au début de l'entretien. Poutine a délibérément choisi, j'allais dire, son camp. Se déportant vers l'Asie, il solidifie là des alliances sur lesquelles il pourrait compter. Parmi les atouts que vous avez su utiliser, Jean-Michel Carré, je dirais notamment la longueur et le nombre d'interventions de Vladimir Poutine dans votre documentaire. Oui, je pense qu'il est très important parce que on l'entend pas, Poutine. On l'entend de temps en temps, comme ça, sur une phrase. Mais ça, c'est l'habitude des médias occidentaux. C'est les petites phrases, c'est les petites choses. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, il faut prendre le temps un peu d'entendre l'explication de Poutine, son point de vue, pour essayer de comprendre. Parce que c'est pas par hasard qu'il est devenu à nouveau cette force géopolitique, cette force diplomatique dans le monde. On peut dire militaire aussi. Alors que c'est pas un pays très riche. Enfin, je veux dire, riche, il a pas la puissance des États-Unis. Mais il était important qu'on écoute aussi Poutine. Et on voit qu'à chaque fois, il y a une sorte de bon sens qui perturbe un peu. Parce que, bon, que Poutine, on le présente comme un dictateur, tout ça. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça, ça suffit pas. Il faut aller là, il sort de son pays. Il est en Syrie. Est-ce qu'il ira encore plus loin? Et on s'aperçoit que c'est quelqu'un, alors qu'on essaye de dire que c'est quelqu'un qui veut un impérialiste, qui veut gagner du terrain, qui veut refaire la nouvelle URSS. Non, simplement, chaque pays, chaque grand pays a des zones d'influence. La Russie en a, la Chine en a, l'Europe en a, moins maintenant depuis qu'on a perdu toutes nos colonies, et les États-Unis en ont aussi. Et donc pour lui, c'est simplement une sorte de respect. Ça fait partie, c'est à nous, c'est un peu chez nous. On veut bien discuter, des échanges, des choses, mais ne faites pas n'importe quoi. Arrêtez, il y a eu des trahisons quand même énormes par rapport à l'OTAN. Je veux dire, malheureusement, ça n'a pas été signé, mais entre Gorbatchev et Bush père, c'était très clair. Il y avait l'arrêt du mur, la destruction du mur, l'éclatement de l'URSS, mais aucun des pays qui touchaient la Russie ne devait rentrer dans l'OTAN. Quelques années plus tard, c'est fini. Ils ont trahi complètement une parole. Et ça, c'est quelque chose pour Poutine qui est insupportable. On doit rester sur une règle, sur des lois. Alors c'est vrai qu'on le voit souvent à l'ONU, au Conseil de sécurité, mettre des vétos, des choses comme ça. Mais il dit, attendez, il part d'un principe, chaque pays doit avoir sa souveraineté. Et ça, c'est important parce que même, en effet, même si c'est des dictateurs, à la limite son truc, c'est de dire, bah, si les peuples ne sont pas contents, qu'ils fassent sauter ce dictateur. Mais c'est pas à l'extérieur que nous, on doit venir. Quand le jeune Bush fait la guerre en Irak, c'est 1 million de morts pour soi-disant mettre la démocratie. Ce qui va déclencher toute la guerre et ce qu'on vit actuellement en Syrie. Donc, c'est important d'écouter ce personnage et de voir sur quoi il se base pour faire sa politique. Alors moi, je me trouve dans une position un peu particulière, parce que ce que je dis souvent, c'est que je pense que ce film ne plaira ni aux poutiniens, ni aux anti-poutiniens. Moi, c'est pas le problème de plaire à l'un ou l'autre, c'est d'essayer de mettre à plat et dire, en effet, les tapis de bombe qu'il met à Alep, c'est ce qu'il a fait en Tchétchénie de manière monstrueuse, mais là, c'est lui qui avait choisi vraiment de le faire pour abattre une partie d'une population qui était dans un islamisme très modéré et qui est devenue, en effet, très vite radicale par rapport à n'importe quelle femme ou homme qui a perdu sa famille, qui a été... il veut se venger. N'empêche que là, en effet, il a la même manière en disant, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez que la démocratie, il y a des démocrates qui vont gagner la guerre contre les djihadistes? Et il s'appuie même sur les chrétiens d'Orient qui disent, mais écoutez, d'accord, on aimerait bien que ce soit les démocrates, mais est-ce qu'ils vont le faire? N'oubliez pas que s'ils gagnent, c'est un régime islamiste qu'on va avoir. Ça va être beaucoup plus grave. Donc on se trouve devant, en effet, quelque chose. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi des bombes aussi que lancent les Occidentaux. Je veux dire, comme si les bombes ne touchaient personne. Je veux dire, il y a des morts de tous les côtés. C'est vrai, c'est dramatique pour ce peuple, pour les démocrates qu'il y a là-bas. C'est vrai que, quelque part, c'est une génération de Syriens qui avaient vécu, qui ont, pendant quelques années, qui ont connu la démocratie, mais très peu avant le père Assad. Et c'est fini. Ils vont être malheureusement massacrés dans ce tout. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Mais c'est vrai que on est en se dire, est-ce qu'entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on choisit? Et c'est difficile. C'est pas pour soutenir Poutine, mais est-ce qu'on a des meilleures solutions? Est-ce que l'Occident a montré qu'il était capable de faire autre chose? Jean-Michel Carré, un dernier point qui concerne justement ce que l'on disait, le cap à l'Est. Ça se résume en un mot, en quelque sorte. C'est une construction lente, complexe, mais qui est largement en cours et que l'on connaît mal et que l'on apprécie mal du côté de l'Occident et qui tourne autour d'un mot qui est l'eurasisme. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, le résumer à ceux qui vont découvrir votre film dimanche soir? Alors, c'est vrai que Poutine a repris une vieille idée de l'eurasisme qui datait de 1920 à peu près. Et de voir où sont les cultures qui correspondent, la culture slave ou la culture orthodoxe, alors qu'il y a des musulmans aussi, mais la culture de ces pays qui faisaient partie de l'ex-URSS. Et c'est vrai qu'il veut faire une sorte de communauté, comme la communauté européenne, mais une communauté eurasiatique, qui serait entre l'Europe et vraiment l'Asie, c'est-à-dire entre la Chine, disons, et l'Europe. Donc c'est une sorte de force. On ne sait pas si vraiment ça va marcher, mais ils ont une possibilité de s'opposer, de dire il y a une force qui existe entre les deux. Et puis, il y a tout le travail de Poutine vers la Chine, des liaisons de plus en plus fortes. À part ça, il est très clair que Vladimir Poutine a peur aussi de la Chine. On sait que dans l'histoire, les choses n'ont jamais été simples entre la Chine et la Russie. Donc, moi, je crois, alors ce que je peux vous dire, mais là, c'était difficile, je le lance un peu à la fin du film, pour moi, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est que je pense que Poutine, par rapport à la force qu'a repris la Russie aujourd'hui, et notamment grâce à lui, il sait qu'il y a un danger du côté de la Chine. La Chine pourra l'écraser comme ils veulent, comme dit l'intervenante. À présent, j'ai l'impression que nous avons mis la tête dans la gueule du tigre chinois. Et ce tigre est en train de réfléchir. Ce n'est pas dans leur intérêt de nous manger. Alors, ils vont juste jouer avec nous. Je pense que Poutine va, à un moment donné, retourner vers l'Europe en disant « on est européen ». Il aura cette Eurasie, ce nombre de pays, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, enfin, tous ces pays qui ont une certaine force, mais il sait qu'il est européen, comme il le disait au début de son mandat. Mais il viendra avec une force. C'est-à-dire que il n'est pas question de rentrer dans l'Europe, il est question d'avoir une possibilité de discussion d'égal à égal. Et là, en effet, il pourra se passer quelque chose. Mais ça, je pense que c'est dans 5 ans ou 10 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Trump? Voilà, tout ça est très compliqué en ce moment. Vous redonnez le titre de votre documentaire? Poutine, le nouvel empire. À voir dimanche soir sur RTS2. Jean-Michel Carré, merci d'être passé au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous.